Septième chapitre. Le vin du Loiret. Nous étions restés sur le pan du Pec, Vatrin, Michel et moi, les yeux fixés vers le point de l'horizon où Pritchard avait disparu. La femme, le balai étendu vers lui et dans l'attitude de la malédiction. Si un peintre avait jamais l'idée de puiser un sujet de tableau dans la narration que j'ai l'honneur de vous faire, je crois que c'est le point juste où nous en sommes qu'il devrait choisir. Il aurait au premier plan quatre personnages groupés pittoresquement. Au lointain, Pritchard fuyant, sa côtelette à la gueule. Car il faudrait montrer Pritchard pour rendre la scène compréhensible. Enfin, au fond et fermant l'horizon, cette belle ville de Saint-Germain, bâtie en amphithéâtre, et présentant tout d'abord aux yeux du voyageur comme ce qu'elle a de mieux à nous offrir. Le pavillon où accoucha Anne d'Autriche et la fenêtre de laquelle Louis XIII, tout radieux, montra son fils Louis XIV au peuple. Vatrin fut le premier à qui revint la parole. « Ah, le Gerdin » dit-il. « Mon cher Vatrin, lui répondis-je, je crois que notre chasse est finie pour aujourd'hui. » « Pourquoi cela ?» dit Michel. « Mais parce que nous chassions avec Pritchard, et puisque nous n'avons plus Pritchard. Monsieur croit donc qu'il ne va pas revenir ?»« Dame Michel, j'en juge par moi-même. Je sais bien, moi, qu'à sa place je ne reviendrai pas. » »« Monsieur ne connaît pas Pritchard. C'est un effronté. » »« Alors, votre avis, Michel ?» Allons-nous-en tout tranquillement chez Monsieur Vatrin. Mangeons-y un morceau de pain et de fromage et buvons-y un verre de vin. Et vous verrez si dans 10 minutes, vous ne sentez pas la queue de Pritchard, vous fouaillez les mollets. Ça y est-il ? Dit Vatrin. Justement, la femme a fait cuire un morceau de veau hier. Et il y a un petit vin du Loiret. Voyez-vous, c'est le pays de ma femme. Il y a un petit vin du Loiret dont vous me direz des nouvelles. Je me rappelle que vous aimez le veau. Vous m'avez connu si jeune, mon cher Vatrin, que je ne saurais vous cacher aucun de mes défauts. Mais qu'aurais-je? Nous le prendrons en passant, donc. Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Oui, quand on est déjà quatre. Eh bien, mais et les poules? Est-ce que vous croyez qu'elles ont le derrière cousu? On fera une omelette. Soit, Vatrin, je me donne un jour de bon temps. Va pour le vin du Loiret, le veau et l'omelette. Sans compter une bonne tasse de café. Ah, vous allez en goûter, du lait. Eh bien, allons, Vatrin. Allons. Gerdin de Pritchard, va. Qu'y a-t-il encore? J'en ai laissé éteindre ma pipe. Un second élève comme lui, et foi de Vatrin, il m'abriturait à eux deux. Vatrin tira sa pierre à feu, son amadou, bâtit le briquet et ralluma sa pipe. Nous nous remîmes en route. Michel me toucha le coude avant que nous eussions fait 20 pas. Je le regardai. Il me fit signe de jeter les yeux derrière moi. La moitié du corps de Pritchard dépassait l'angle du mur derrière lequel il avait disparu. Il regardait ce que nous faisions et probablement cherchait à deviner ce que nous pensions. « N'ayez pas l'air de le voir, dit Michel, et il va nous suivre. » Effectivement, j'eus l'air de ne pas voir Pritchard, et Pritchard nous suivit. En passant, je recrutai Corrège à la station du Vésinet. « Voulez-vous, cher lecteur, voir un beau nageur et connaître un bon garçon? Prenez, au chemin de fer de Saint-Germain, un billet pour la station du Vésinet. Arrivez à la station, demandez Corrège. Comme bon garçon, il se mettra, je vous en réponds, à votre service, pour quelque chose que ce soit. Comme beau nageur, il remontera la Seine avec vous, jusqu'à Saint-Cloud, et si vous le pressez un peu, jusqu'à Paris. Nous arrivâmes chez Vatrin. Avant d'entrer, je me retournai et j'aperçus Pritchard, qui se tenait prudemment à une distance de 200 pas. Je fis un signe de satisfaction à Michel et nous entrâmes. « Femme, dit Vatrin, à déjeuner !» Madame Vatrin jeta un regard d'effroi de notre côté. « Ah, mon Dieu, dit-elle !»« Après, dit Vatrin, nous sommes quatre. Eh bien, quatre bouteilles de vin, une omelette de 12 œufs, le morceau de veau, et chacun une bonne tasse de café. On en verra le jeu. » Madame Vatrin poussa un soupir. Non point qu'elle trouvât l'excellente femme que nous fussions trop, mais elle craignait de n'avoir point assez. « Allons, allons, nous soupirerons demain, dit Vatrin. Vite, la table, nous sommes pressés. » En un tour de main, la table fut mise et les quatre bouteilles de vin du Loiret s'alignèrent sur la table. On entendit le beurre qui commençait à frire dans la poêle. « Goûtez-moi ce petit vin-là, » dit Vatrin en me versant un plein verre de liquide. « Vatrin, Vatrin, lui dis-je, que diable faites-vous ? C'est vrai, j'oubliais que vous êtes comme le général. Lui, il ne buvait que de l'eau. Quelquefois, par hasard, dans les grandes débauches, un verre de vin rouge. Cependant, une fois, mon père lui a fait boire un verre de vin pur. Tenez, dans le verre doré qui est sur la cheminée. Monsieur Corrège, vous ne l'avez pas encore vu, ce verre-là, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est le verre du général. Pauvre général. Puis, se tournant vers moi, « Ah, s'il vous voyait faire des livres comme vous en faites, et tirer comme vous tirez, il serait bien content. » Ce fut à moi de pousser un soupir à mon tour. « Allons, dit Vatrin, voilà que j'ai fait une bêtise. Je sais cependant que cela vous fait cet effet-là quand je parle du général. Mais que voulez-vous ? Je ne peux pas m'empêcher d'en parler. C'était un homme, crénom. Bon, voilà ma pipe cassée. » En effet, Vatrin avait voulu, pour ajouter plus d'expression à ses paroles, faire craquer ses dents, et il avait pour cette fois coupé le tuyau de sa pipe au ras du four. Le four était tombé par terre et s'était brisé en 1000 morceaux. « Crénom ! » répéta Vatrin. « Une pipe si bien culottée !»« Eh bien, Vatrin, vous en culotterez une autre. » « On voit bien que vous ne fumez pas, vous, » dit Vatrin. « Et si vous fumiez, vous sauriez qu'il faut 6 mois à une pipe pour avoir un peu de goût. »« Vous fumez, monsieur Corrège ?»« Je crois bien. Seulement, je fume le cigare. »« Ah, dit Vatrin, alors vous ne savez pas ce que c'est qu'une pipe. » Vatrin ouvrit une armoire et y prit une pipe presque aussi culottée que celle qu'il venait d'avoir le malheur de perdre. « Bon, fis-je, mais vous avez une réserve, mon cher Vatrin. » « Oui, dit-il, j'en ai comme cela 10 ou 12 à des degrés différents. » Mais c'est égal, celle-là, c'était la favorite. « Bon, n'en parlons plus, Vatrin, ce sont les malheurs irréparables qu'il faut surtout oublier. » « Vous avez raison, goûtez-moi ce petit vin-là et regardez-le au jour, c'est clair comme du rubis. À votre santé. » « À votre santé, Vatrin. » Et je vidai le verre pour lui faire raison.